Chapitre 14e. Étonnement du comte. L'annonce du mariage dans les journaux fut la première nouvelle qu'en reçut le comte de Mansavorn. Il ne fut guère moins foudroyé que mademoiselle Cornélie, et revint rapidement en Angleterre le jour même, ne tenant pas compte en cela de la lettre de sa femme, qui présentait sur toute l'affaire sa version personnelle. Il rencontra M. Carlyle et Lady Isabelle à Londres, dans l'un des hôtels du West End, où il n'était descendu que pour passer un jour ou deux. Isabelle était seule lorsqu'on annonça le comte. « Que signifie tout ceci, Isabelle ?» commença Lord Mansavorn, sans circonlocution préparatoire. « Vous êtes mariée ?»« Oui, » répondit-elle en rougissant avec une innocence des plus séduisantes. « Il y a quelques jours déjà. »« Et c'est Carlyle, l'avoué, que vous avez épousé. Comment cela s'est-il fait ?» Isabelle se prit à songer comment cela s'était fait. « Il m'a demandé en mariage, » dit-elle, « et moi j'ai dit oui. »« C'est à Pâques. » Lorsqu'il est à Castle Marling, qu'il m'a fait cette demande, j'étais surprise. Le comte la regardait avec attention. « Pourquoi m'a-t-on laissé ignorer tout ceci, Isabelle ?»« Je n'ai pas su que l'on vous eût laissé ignorer ce qui se passait. » Lord Mansavorn était de plus en plus surpris et ébahi. Tous les traits de sa physionomie indiquaient l'étonnement le plus vif. « Je suppose, monologua-t-il tout haut, que c'est la conséquence de la conduite de votre père. » Il avait autorisé cet homme à venir journellement vous rendre visite à Eastline, et c'est alors que vous vous êtes prise d'amour pour lui. « Vous êtes dans une erreur complète, » répondit-elle gaiement. « Je n'avais jamais songé à m'éprendre d'amour pour M. Carlyle. »« Alors, vous ne l'aimez pas ?» ajouta brusquement le comte. « Non, » murmura-t-elle timidement, « mais j'ai de l'attachement pour lui. Oh, beaucoup, il est si bon. » Le comte intercala son menton dans la paume de sa main et se mit à réfléchir. Isabelle venait de détruire à l'instant le seul motif qui, selon lui, pouvait servir d'excuse à un mariage aussi précipité. « Si vous n'aimez pas, M. Carlyle, d'où vient que vous êtes si habile à faire une distinction entre avoir de l'attachement et aimer ? Un autre posséderait-il votre cœur ?» La question alla droit à son adresse et Isabelle devint pourpre. « J'aurai de l'amour pour mon mari à un moment donné ?» fut tout ce qu'elle put répondre. Elle pencha la tête et se mit à tourmenter de ses doigts agités la chaîne de sa montre. « Pauvre enfant !» s'écria involontairement le comte. Mais comme il était de ceux qui aiment approfondir toute chose, « qui a séjourné à Castle Marling depuis mon départ ?» demanda-t-il vivement. « Madame Levison y est venue. Je parlais des messieurs, des jeunes gens. Je n'ai vu que Francis Levison. »« Francis Levison, vous n'avez jamais eu la folie de vous prendre de passion pour lui ?» La question fut si directe, à brûle-pourpoint. Et Isabelle était tellement émue et agitée que le comte devina tout. Il fixa sur le visage confus et attristé de la jeune femme un regard plein de pitié. « Isabelle, le capitaine Levison est une nature mauvaise. Si par malheur vous vous êtes éprise de lui, tenez-le à distance et fermez-lui votre cœur. N'encouragez pas les prétentions qu'il peut avoir et brisez, au plus tôt, cette connaissance. » « J'ai rompu avec lui, » dit Isabelle. « Mais Lady Mansavorn doit avoir sur son compte une bonne opinion, autrement elle ne lui ouvrirait pas son salon. »« Vous êtes dans l'erreur. »« Elle n'a pas, personne ne peut avoir bonne opinion de lui, c'est son cousin. »« De plus, c'est une de ses têtes vides, un de ses flatteurs pétris d'outrecuidance et de vanité, qu'elle se plaît à grouper autour d'elle. »« Soyez plus sage, Isabelle. » »« Mais, ajouta-t-il, cela ne me donne pas le mot de l'énigme de votre mariage, au contraire. » Cela me le rend plus incompréhensible que jamais. » Avant qu'Isabelle pût répondre, Carlyle entra. Il tendit la main au comte, mais celui-ci ne parut pas s'en apercevoir. « Isabelle, » fit Lord Mansavorn, « je suis fâché de vous renvoyer, mais j'ai quelques mots à dire en particulier à M. Carlyle. » Elle sortit. Le comte se retourna vers Carlyle et le regarda en face, il l'apostropha d'un ton de voix rude et hautain. « Comment s'est fait ce mariage, monsieur ? Avez-vous donc si peu d'honneur dans le cœur que, prenant avantage de mon absence, vous ayez cru pouvoir vous introduire furtivement dans ma famille et épouser sournoisement Lady Isabel Vane ? » Carlyle demeura tout d'abord muet de surprise, mais se redressant aussitôt de toute sa hauteur, l'air calme, digne et noble. « Je ne vous comprends pas, my lord, » s'écria-t-il. « Je crois cependant m'être expliqué clairement, » continua le père. « N'est-ce pas un procédé sournois ? Que de saisir l'occasion de l'absence d'un tuteur pour entraîner une jeune fille à contracter une union au-dessous de sa classe. Ma conduite vis-à-vis de Lady Isabel Vane a été droite et franche. Votre seigneurie a été mal informée. je n'ai pas été informé le moins du monde. Moi, le seul parent qu'est Lady Isabelle, je n'ai rien su de tout ceci, rien su que ce que les journaux m'ont appris. Quand j'ai demandé la main de Lady Isabelle, mais il y a de cela un mois, interrompit le comte d'un ton sarcastique. Oui, il y a de cela un mois, reprit Carlyle avec calme. Ma première pensée après qu'Isabelle m'eut agréé fut de vous écrire, et c'est ce que je fis. Et maintenant, n'était que vous venez de me faire entendre que vous n'avez pas reçu ma lettre, je dirais que le manque de politesse est le fait de votre seigneurie, et que vous n'ayez pas daigné me répondre. Que contenait cette lettre? Le récit de ce qui s'était passé. Je mentionnais aussi ce que je pouvais faire au point de vue des rapports, et j'ajoutais qu'Isabelle et moi, nous désirions que la cérémonie peut avoir lieu aussi tôt que possible. Et s'il vous plaît, où avez-vous adressé votre lettre? Lady Mountsovern ne put me donner l'adresse. Elle m'offrit de se charger de la lettre et de vous la faire parvenir elle-même dès qu'elle recevrait de vos nouvelles. Je la lui ai remise. Et vous me certifiez que tout ceci est réel, s'écria le comte. My lord, répliqua froidement l'avoué, quel que puissent être mes torts à vos yeux, je suis du moins un homme digne de foi. Jusqu'à présent, la pensée que vous ignoriez le mariage projeté ne m'était pas encore venue à l'esprit. S'il en est ainsi, je vous demande pardon, monsieur Carlyle. Mais pourquoi a-t-on précipité les choses de cette façon inusitée? Vous avez fait votre demande à Pâques, m'a dit Isabelle, et 3 semaines après, tout est fini. Oui, répondit Carlyle, et si j'avais pu, je l'aurais épousée et emmenée chez moi le jour même de la proposition. Je n'ai agi que dans son intérêt et pour son bonheur. Oh, certes, fit le comte de son ton de voix désagréable. Peut-être voudrez-vous bien m'édifier un peu sur ce qui est arrivé et me déduire vos motifs. Volontiers. Mais cette révélation ne vous sera point agréable à entendre, Lord Mountsovern. Permettez que j'en reste juge, dit le comte. Mes affaires m'appelèrent à Castle Marling le vendredi saint. Le jour suivant, je me rendis à votre demeure. Je trouvai Lady Isabelle maltraitée et malheureuse. Ce n'était pas une retraite paisible et agréable que celle qu'on lui faisait dans votre maison. Qu'entendez-vous dire par là, monsieur? Interrompit le comte. Isabelle maltraitée et misérable? Oui, my lord, et même battue, ajouta-t-il. Le comte demeura immobile et comme pétrifié, les regards fixés sur l'avoué. Je l'ai appris, je dois dire, par les révélations et le bavardage enfantin de votre petit garçon. Isabelle ne m'en aurait certainement pas parlé. Mais lorsque l'enfant eut ouvert la bouche, elle ne put le contredire. Enfin, elle avait le cœur trop brisé, elle était trop abattue, pour essayer de nier. J'éprouvai une vive indignation. Cela soulevant en moi l'irrésistible désir de l'arracher à sa cruelle existence et de l'amener là où elle pourrait trouver de l'affection et du bonheur. Je lui ai demandé de consentir à devenir ma femme et de retourner à sa demeure d'Eastline. Le comte sortit lentement de sa stupeur. Dois-je comprendre qu'en arrivant chez moi ce jour-là, vous n'aviez aucune intention de faire une proposition de mariage? Je n'y songeais nullement. Le comte marchait à grands pas dans la chambre, encore perplexe mais évidemment ébranlé. « Avez-vous de l'amour pour elle ? » dit-il brusquement, car là il s'arrêta avant de parler et une vive rougeur colora son visage. « De tels sentiments se confessent rarement d'homme à homme, Lord Mountsovern, mais n'importe, je veux vous répondre, je l'aime passionnément et sincèrement. J'ai appris à l'aimer lorsqu'elle était à Eastline, mais j'aurais couvé silencieusement en moi cet amour jusqu'à la fin de ma vie et je ne me serais jamais trahi. C'est ainsi que j'aurais agi à coup sûr. » N'eût été cette visite imprévue à Castle Marling. Si l'idée d'en faire ma femme ne s'était jamais présentée à moi comme possible, cela tenait à ce que je regardais sa position sociale comme incompatible avec la mienne. Et cela n'était que juste, dit le comte. Déjà, cependant, et bien avant moi, remarqua Carlyle, il s'est rencontré des avoués de campagne qui ont épousé des filles de pair. Je n'ai donc fait qu'ajouter un nom à la liste. « Mais vous ne pouvez pas lui donner le même rang et lui faire une position comme à la fille d'un père, je présume. »« Eastline sera sa demeure. Notre existence sera modeste et simple par comparaison avec celle de son père. J'ai dit tout ceci à Lady Isabelle, je l'ai prévenue à l'avance, et elle aurait pu revenir sur ses pas si elle l'avait voulu. J'ai également tout expliqué à Lady Mountsovern. Eastline reviendra à notre aîné si nous avons des enfants. Ma profession est très lucrative et j'ai un bon revenu. Si je mourrais demain... » Isabelle aurait la jouissance d'Eastline et environ 3 000 livres sterling par an. Tous ces détails se trouvent dans la lettre qui, paraît-il, s'est perdue en route. Le comte ne fit pas de réponse immédiate, il était absorbé dans ses pensées. Votre seigneurie reconnaît maintenant, je l'espère, qu'il n'y a rien eu de sournois dans ma conduite envers Lady Isabelle. Lord Mansavant lui tendit la main. « J'ai refusé votre main quand vous êtes entré tout à l'heure, Monsieur Carlyle. Vous l'avez sans doute remarqué. Peut-être à présent me refuserez-vous la vôtre, quoique je fusse fier de la serrer. Lorsque je me sens dans mon tort, je m'empresse de le reconnaître, et je dois déclarer que vous avez agi avec autant de bonté que d'honneur. » Carlyle sourit et mit sa main dans celle du comte. Celui-ci la retint en l'étreignant et ajouta tout bas. « Je ne puis feindre d'ignorer qu'en parlant de mauvais traitements subis par Isabelle, vous avez fait allusion à ma femme. D'autres ont-ils eu connaissance de ces faits? Vous pouvez être certain que ni Isabelle ni moi ne voudrions en parler. Nous chasserons cela de nos souvenirs. »